Futur proche, rêve à quatre feux. Futur proche, proche, proche, yeah. J'avance à l'aveuglette avec un coup dans l'aile, des fois anti-dupant. Je reste à l'écart, les yeux dans le vide, je sais à qui tu penses. Le rap pété méchant, c'est vrai, c'est pas ma tasse de thé. Et ne crois pas que parler de gun et puis de tasse me plaît. Mon rêve, refaire le monde avec Homer au bar, autour d'un verre autour de ma peine. C'est vrai, me mène nulle part. J'écris la nuit avec un feutre et un verre dans la paume. La tisse pourrit ma vie à petit feu comme le verre dans la pomme. Je rappe les frères, on voit rouge à force de battre le verre. On prit la chance tous, ouais, on finit par le faire. J'ai commencé avec mon double, son cheveu sur la langue. Avec le temps, je me surfroidis et c'est chaud à la longue. Je reste au pied du mur, c'est ça ma peine plongée. Me soigner seul, j'y ai à peine pensé. Je mets le pied à l'étrier, putain c'est trop pénible. Pourquoi j'irai prier mes couplets coupés à l'eau bénite. La retour, on a ma chance, c'est notre passe-temps. Pas grave, on n'a pas le temps, le rap est dans l'instant. Pas le temps d'avoir des doutes, car beaucoup de gens nous attendent. L'échec nous apprend, que les chocs nous lassent. Alors on prend des risques. Alors on prend des risques maintenant. Alors on prend des risques. Alors on prend des risques bêtement. Ils savent pas ce que je suis prêt à faire. La vie de ma mère, j'ai traîné dans des coins sombres où des arabes cherchaient la mec. Entre les potes qui bétonnent et les putes qui pépons. Dur de trouver l'équilibre, mais j'ai de la houille qui se défonce. J'suis doué pour le peurat, comme elle eut pour vendre la fraîche. J'suis posé dans le check, vodka poutine dans la tête. En fait, la vie n'est qu'un peu, tu veux être in. Écarte les beuges, faire du pif dans la street. Fais comme tout le gros vent des meuges. Si t'y frotte, s'y pique, y'a pas de limite. À côtoyer la street, les frères ont plus de limite. Pourtant à port ça sert à pour collard. Même si dans le fond on veut des ronds comme ce barbu trop lard. Je regarde l'horloge et je me dis j'ai perdu trop de temps. Délaissé trop de potes, laissé passer trop de plans. Ne me parlez plus d'amour, juste de business. Car je n'ai pas retrouvé mon triste. La retour, on a ma chance, c'est notre passe-temps. Pas grave, on n'a pas le temps, le rap c'est dans l'instant. Pas le temps d'avoir des doutes, car beaucoup de gens nous attendent. L'échec nous apprend, que les chocs nous lassent. Alors on prend des risques. Alors on prend des risques maintenant. Alors on prend des risques. Alors on prend des risques bêtement. J'suis qu'un pirate qui paiera. Sachant que le crime ne paie pas. Mais j'garde espoir, le ciel m'aidera. J'reste dur pour ma mère qui croit en moi malgré mes fautes. Qui prie pour me revoir à l'aube. Et cette plume mélancolique qui attend que la route tourne avant qu'elle finisse alcoolique. Plongée dans ses doutes. Et là je me dis, Kusmar, t'as perdu d'avance. Comme les anciens, je reste calme et roule un gramme d'avance. Souvent j'ai la haine car j'ai morflé même si j'ai plus la cote. J'ai du mal à dormir car la laine de Morphée plus la clope. Je suis celtique comme les Glasgow, les dolmens, le trèfle. Mélancolique car mes fonds de verre ont rempli mes feuilles vierges. L'orgueil me tue, c'est vrai, je creuse la faille. J'ai saoulé mon cœur à force de le noyer dans le creux de la vague. J'ai le pied marin donc mon flot te donne le mal de mer. Mais dur de faire sa place au milieu de pas mal de merde. La retour, on a ma chance, c'est notre passe-temps. Pas grave, on n'a pas le temps, le rap c'est dans l'instant. Pas le temps d'avoir des doutes, car beaucoup de gens nous attendent. L'échec nous apprend, que les chocs nous lassent. Alors on prend des risques. Alors on prend des risques maintenant. Alors on prend des risques. Alors on prend des risques bêtement.